L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. If you want wild living fast and if you want to end up giving your all, let me call. Pussycat is living reckless, pussycat is right high. If you think that you can tame her, well, just you try. It's that she doesn't say what's wrong from right. She's running fast and free, child of the night. In her life there'll be no time for love. You'll never take her, make up your mind. Pussycat, she's living reckless, pussycat, she's riding high. If you think that you can tame her, well, just you try. Yeah, just you try. Come on and come on and try. Yeah, come on and try. Yeah, come on and try. Come on and try, qui vous disait le petit monsieur à l'instant. Ben oui, venez et essayez et écoutez Osmose Radio, ce qui est une excellente idée en soi. Écoutez l'heure du loup, ce qui m'honore, chers amis. J'en suis tout émoustillé. Et donc ce soir, eh bien, vous l'aurez reconnu, c'est moi-même Stéphane avec mes introductions à la con pour l'heure du loup sur Osmose Radio ce soir en cette journée, mardi 8 mars, journée en l'honneur des droits des femmes et à laquelle donc je tenais à rendre un petit hommage avec une playlist de circonstances. Et pour ouvrir cette émission, eh bien, c'est un morceau que vous aurez peut-être connu si vous êtes cinéphile. C'était The Bot Suites avec le titre Run Pussycat Run, qui était aussi le nom d'un film, de Ross Meyer. Ce gars qui avait travaillé pour le magazine Playboy, notamment, et qui avait fait ce film avec la délicieuse, la magnifique Toura Satana, qui, dans ce film, met minable des tas de machos. Elle cogne, elle donne des coups de schlasse, elle appuie sur le champignon et elle met minable des mecs dans des courses de bagnole. Elle est superbe, elle a des gros seins, elle est habillée en cuir, enfin bref, c'est un film que je vous recommande. Voilà, Run Pussycat Run, un monument du cinéma de genre, et je tenais à ouvrir, avec cette image de femme forte, hein, c'est rien de le dire, à ouvrir cette émission ce soir. Voilà, chers amis. Une femme qui ne s'en laisse pas compter, dont je disais c'était Toura Satana à l'instant dans ce film de Ross Meyer, mais deux femmes qui s'en laissent pas compter non plus, c'est Thelma and Louise dans un autre film plus récent, celui-là, c'était dans les années 90 avec Gina Davis notamment, et je vous propose d'en écouter une version en musique par le groupe Horror Pops, tout de suite, Thelma and Louise. Give her a smile. Hey, pointed chase, wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring and roads are steaming. Hearts are glowing. Freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be good. We're just Just like Thelma and Louise. Fears left behind. Girls on a ride. un petit peu de psychobilly pour nous mettre dans l'ambiance rock'n'roll ce soir sur Osmose Radio. À l'instant, c'était Horror Pops avec le titre Thelma and Louise. C'est un extrait de leur album Kiss, Kiss, Kill, Kill, sorti en 2007. J'adore cet album. Je crois que je vous ai déjà passé la moitié des morceaux de ce disque-là dans l'émission, décidément. Horror Pops, et en début de cette émission, hein, c'était The Bot Suites avec un titre un petit peu plus court, un petit peu plus ancien, mais tout aussi bon, Run, Pussycat, Run. Donc, il est question de dames qui appuient sur le champignon, qui courent et qui se laissent pas faire par les petits machos qui les entourent. C'est un petit peu normal. Aujourd'hui, mardi 8 mars 2016, c'est la journée de la femme. Plus précisément, la journée internationale pour le droit des femmes. Une de ces journées à la con qu'on consacre à des causes comme ci, comme ça. Comme s'il y avait qu'une journée dans l'année pour se soucier de nos frangines et de leurs conditions. Hein, faut quand même pas pousser. Mais bon, c'est quand même bien de s'y pencher un petit peu. Et moi, hein, dans cette émission que vous me faites le plaisir d'écouter, chers amis, j'avais envie de m'y consacrer en musique. Parce que ouais, nos frangines, voire nos tantes et nos mamans, puisque je vais ramener des groupes qui datent d'il y a quelques dizaines d'années, et puis peut-être hein, nos descendantes, allez donc savoir, eh bien, tout ce petit monde du beau sexe sait prendre des guitares et faire du gros son, et souvent c'est des potes, c'est rien de le dire, et si vous en doutiez encore, je me fais fort de vous convaincre ce soir, voilà. Et on va aller vers des styles un petit peu différents, et un des trucs un petit peu plus anciens, vous disais-je, parce que ouais, tout petit, déjà, j'étais un enfoiré d'hétérosexuel fasciné par les dames. Oui, je le confesse, hein. Notamment par une que je voyais sur les pochettes de disques de mes parents et sur les documents d'archives que je voyais à la télévision. C'était Suzy Quatro. Suzy Quatro, une fille qui venait de Motor City, hein, et c'était une fille de Détroit à la grande époque où Détroit était vraiment une capitale de la musique aux États-Unis. C'était la grande époque du glam rock au début des années 70, mais là on se trouvait aux États-Unis, donc c'était un glam rock un petit peu plus bourrin que ce que David Bowie pouvait faire en Angleterre par exemple. Et avec Suzy Quatro, il y avait ce côté bourrin donc propre à la musique de Détroit, hein, qui est une ville ouvrière assez dure, etc. Et en même temps, il y avait le côté un peu fille habillée en cuir, mignonne, tout ça, mais qui se laisse pas faire, et notamment sur les pochettes du disque, j'adorais ça parce qu'elle était habillée en cuir avec sa, elle était un tout petit bout de bonne femme, Suzy Quatro, et elle joue de la basse, alors du coup vous imaginez l'instrument qui paraît géant à l'échelle de sa petite taille, et sur les pochettes du disque elle tenait des mecs en laisse et elle picolait et elle jouait de la guitare, etc. Enfin moi ça me, tout petit déjà à l'époque j'avais le slip qui frétillait, voilà, hein, pour vous résumer les choses comme ça. Donc eh ben écoutez, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance avec un petit peu de glam rock des années 70, Suzy Quatro avec le titre Ken's Ken. Thank you. Alice avec le titre Wasted. Se mettre minable, grosso modo, se prendre une cuite, hein, parce que des fois, c'est juste ce dont on a envie, y compris quand on est une nana. The Runaways, John Jett, Lita Ford, pour autant je me souvienne, avec ce titre sur l'album Waiting for the Night, sorti en 1977. C'était enchaîné juste avant avec un titre sorti quelques années auparavant, Suzy Quatro avec Ken the Ken. Alors, je sais pas sur quel album c'était sorti. Moi, quand j'étais petit, j'avais le 45 tours de mes parents et je passais des heures à regarder la pochette parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'émoustillait, pour rester poli. Voilà, chers amis, mais il faudrait pas croire qu'il n'y a que aux États-Unis et que dans le passé que les filles avaient la niaque et faisaient du bon son. Elles continuent toujours aujourd'hui et notamment dans d'autres pays aussi. J'en veux pour preuve le groupe Guachas. Je ne sais pas si je prononce correctement. Bon, bref, toujours est-il que c'est des filles qui viennent d'Uruguay, de Montevideo, que j'avais découvert à l'occasion d'une tournée qu'elles avaient fait en France en 2009-2010 dans ces eaux-là. À l'époque, elles avaient sorti que un petit EP par-ci par-là, puis bon, depuis quelques années, elles ont sorti 3 albums. Et ces filles avaient un son plutôt punk à l'origine, maintenant elles sont plutôt quelque chose de un rock un peu plus mélodieux mais tout aussi bourrin. Enfin, puissant sans être bourrin, ce que je veux dire. Elles évoluent, c'est bien, et elles continuent à faire du bon son. Moi, je vous propose un extrait d'un album qu'elles avaient sorti en 2013, un album éponyme, dans lequel elles parlent du flic le plus macho qui soit au cinéma. Évidemment, il a été incarné par Clint Eastwood, Dirty Harry. Hazy eyes, hands lifting the lonely Rebel Girl. Eh ouais, ma fille, assume, t'es une rebelle. T'écoutes l'heure du lot sur Osmose Radio, t'es une rebelle. En tout cas, au niveau musical. À l'instant, c'était Bikini Kill. Hein, le bikini, ça tue. C'est vrai, ça, depuis une quarantaine d'années que ça existe. Ça fait un joli fantasme auquel, en tout cas, je souscris volontiers. Je suis loin d'être le seul. Garçon ou fille, par ailleurs. Voilà, Bikini Kill, Rebel Girl, c'était enchaîné juste avant avec un groupe uruguayen, pardon. En tout cas, d'Amérique du Sud. Les Guachas, avec le titre Dirty Harry, hein, dans lequel elle se moquait gentiment du flic le plus macho du cinéma américain. Voilà. Et alors, je vous disais, ouais, le bikini, c'est une source de fantasme, un maillot de bain qui a été novateur en son temps et qui est toujours fort agréable, en tout cas, je ne m'en lasse pas, qui est source de fantasme masculin, disais-je, un petit peu comme la gentille écolière court-vêtue qui a été très vilaine et à laquelle on va mettre une fessée, hein, la school girl. Si vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur des tas de sites porno, dont quelques-uns que je peux vous recommander. D'ailleurs, plutôt de school girl, moi, j'ai plutôt vous parler de girl school, un autre sujet. Et en l'occurrence un groupe qui a marqué discrètement, mais qui a quand même marqué le début des années 80, Girls' School. C'était un groupe de heavy metal, ce qu'on a appelé à l'époque la nouvelle vague du heavy metal britannique. Les groupes du début des années 70 commençaient à s'essouffler un petit peu, donc il y avait notamment Iron Maiden à l'époque, il y avait Judas Priest, et dans l'ombre de ces groupes-là qui ont été assez phénoménaux, il y a eu un groupe comme Girls' School, un groupe de filles en l'occurrence, qui avait été soutenu et par un gars qui pesait son poids dans le milieu, c'était Lemmy Kilmister du groupe Motorhead, qui les avait découverts un petit peu par hasard et qui les a toujours soutenus. Donc comme quoi, hein, ce garçon qu'on pourrait soupçonner d'être un gros macho, d'être un gros macho, paix à son âme, parce qu'il parlait tout le temps de se faire sucer, de coucher à droite, à gauche, etc. Et bien finalement, ce garçon, quand il trouvait une fille qui était à la hauteur au niveau musical, eh bien, il les a soutenus durablement, il les a jamais lâchés à ma connaissance. Et c'était tout à son honneur, et donc les filles ont pu profiter de son appui, bien qu'elles aient eu un petit peu de mal à percer dans cet environnement musical du heavy metal du début des années 80. Elles avaient quand même sorti un album, justement à cette période, un album qui s'appelait Hit and Run, dont je vous propose d'écouter un extrait. We'll be right back. en effet, il y a deux sortes de joueurs, ceux qui ont une prostate et les autres. Ces autres, ce sont les joueuses. Espèce rare et délicate, la joueuse se reconnaît au cri particulier qu'elle émet lorsqu'on la met en présence d'une console de jeu. Putain de ta race de boss de merde, mais crève ! Ben ouais, hein, les filles, c'est pas forcément des petites choses délicates, tout ça. Hein, des fois, quand elles jouent de la musique, comme je me fais fort de vous le prouver ce soir, ou bien quand elles sont devant une console de jeu avec leurs frangins, leurs cousins, leurs copains en train de casser des méchants dans un jeu vidéo, eh bien, ce sont des brutasses, les filles. Hein. Et ceux d'entre vous qui se sont fait mettre minables dans un jeu de baston par une de leurs amies, eux, en savent quelque chose, comme c'est mon cas. Et donc, à l'instant, c'était une petite dédicace d'Usul, hein, ce garçon qui fait des vidéocasts sur YouTube qui en parlait dans un épisode sur les jeux vidéo consacrés aux filles en l'occurrence. Et juste avant ça, on avait deux groupes britanniques dans deux styles un petit peu différents. Tout d'abord les Girls' School, un groupe du début des années 80 avec le titre Hit and Run. Et c'était donc un groupe que j'ai découvert grâce à un site assez sympa qui s'appelle Histosic, sur lequel il y a une chronique assez complète que je vous mettrai en ligne évidemment sur le Facebook de L'Heure du Loup si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et juste après ce groupe Girls' School, on allait un petit peu plus près de chez nous dans les années 2000 avec un groupe britannique mais qui fait plus dans le style horror punk et avec un côté pop aussi d'ailleurs, et qui parle de zombies, de science-fiction, d'horreur, etc. C'était Zombina and the Skeletons avec le titre Janie's Got a Dissolvo Ray. Alors donc là, évidemment, je parlais de science-fiction, c'était plutôt un rayon dissolvant. Janie a un rayon dissolvant, mais pour dissoudre les méchants, en fait. Hein. Mais moi, en voyant ce titre, j'ai pas pu m'empêcher aux galères que vous avez, vous, les filles. Quand vous vous maquillez, ou plutôt quand vous vous démaquillez, j'ai pu voir que c'était assez complexe, parfois. Et donc voilà, un rayon dissolvant, je me dis que peut-être ce serait assez pratique pour vous. Enfin bref, je suis pas à votre place. Voilà. Donc les filles, hein, vous êtes superbes quand vous vous maquillez pas, et encore plus quand vous vous maquillez. Mais des fois, qu'est-ce que vous êtes bêtes, franchement, hein, à vous dire oh là là qu'il est beau dès que vous voyez quelque chose qui a un appareil génital externe, un bouffon à la télévision, un boys band, etc. Enfin, oh là là qu'il est beau, mais vous êtes bêtes ou quoi? Bon, c'est vrai que des fois, faut reconnaître que vous avez raison. Vous dites « Oh là là, qu'il est beau !» Et ouais, c'est vrai, parfois. Surtout quand il s'agit de Dave Vanian, hein, le super beau gosse, qui est à la tête du groupe américain, du punk américain The Damned. Et comme on parle de lui, justement, hein, eh bien, quand on voit le loup, quand on parle du loup, on en voit la queue, peut-être. Et toujours est-il qu'on va entendre la voix de Dave Vanian, The Damned, avec le titre « She ». avec Hélène. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone. Elle me dit que tout est fini. Au bonheur des dames, vous me pardonnerez cet intermède, cette petite virgule, cette petite encart, un petit peu ringard hein, pour le coup, mais j'ai pas pu m'en empêcher pour flinguer la fin de ce fameux morceau The Damn She avec la voix de Dave Vanian. Et c'était Au bonheur de dames, hein, le fameux morceau Olé fille, dans lequel hein, une dame lui dit « Oh bah désormais, tout est fini, décidément, hein, pff, toutes des salopes. » Pas vrai Abel? On est bien, on est mieux entre hommes finalement, hein. Pourquoi tu me regardes avec ce petit air inquiet là? Décidément, il est fou ce garçon. Mais bon, c'est un très très bon ingénieur du son. C'est lui qui enquille tous les morceaux que vous pouvez écouter ce soir. Abel, mon technicien préféré d'Osmose Radio. Et donc ce soir, vous êtes bien sûr Osmose Radio, disais-je, dans l'heure du loup avec Stéphane, avec Abel et avec une playlist consacrée aux dames ce soir. Aux filles quand elles jouent du rock, puisque ce mardi 8 mars 2016, c'est la journée internationale du droit des femmes et je tenais à y consacrer une playlist. Voilà, on va aller vers des styles un petit peu différents ce soir. Après une grosse première partie rock dans l'émission, on va aller vers des styles un petit peu différents. Et je tenais à préciser aussi que, bon, vous écoutez Osmose Radio, vous écoutez Osmose qui est une web radio. Osmose qui n'est qu'une web radio, hein, comme m'avait dit une attachée de presse pendant le Festival d'Avignon cet été. Hein, comme quoi, les filles, je vous adore, je vous aime, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont largement compétentes, sympas et tout, mais des fois, qu'est-ce que vous êtes des connasses. Notamment à cette attachée de presse qui m'avait pourri un spectacle cet été. Enfin bref, ce sont des choses qui arrivent. Donc cette idiote avait dit « Osmose n'est qu'une web radio ». Et de fait, vous nous écoutez sur Internet. Vous nous écoutez sur Internet, vous nous écoutez peut-être même en Wi-Fi. Wi-Fi, cette technologie sans fil qui fait partie du quotidien désormais mais qui n'allait pas de soi il y a encore quelques dizaines d'années. Et savez-vous comment cette technologie a été inventée? Par un inventeur? Que nenni! Par une inventrice! C'est une fille en fait des années 30, il me semble. Une Autrichienne qui était aussi actrice à Hollywood. Une Autrichienne donc qui s'appelait Hedy Lamarr. Et cette dame-là était une tronche dans tout ce qui était science notamment. Et c'est elle qui a posé les bases scientifiques de la technologie Wi-Fi telle qu'on utilise aujourd'hui. Hein, de toute... Je saurais pas trop vous développer les trucs parce que je suis largement moins intelligente que cette dame ne l'était. Mais Hedy Lamarr, c'est grâce à elle qu'on peut utiliser les technologies sans fil aujourd'hui et notamment le Wi-Fi. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens sur Facebook pour que vous puissiez approfondir. Mais il faut être conscient de ça, c'est que certaines inventions de notre quotidien, que ce soit un truc aussi basique auquel on est tous passés comme le biberon, eh ben le brevet du biberon a été déposé par une femme, ça paraît logique en même temps, ou bien la technologie sans fil grâce à Hedy Lamarr. Qui, ce que diront les machos mauvaise langue, diront « Ah bah ouais, mais si c'était une tronche en science, c'était forcément un rat de laboratoire, une geek, et donc elle était moche. » Eh ben non les gars, désolé, elle était super bonasse, elle avait des yeux de chat, une silhouette magnifique, enfin bref, c'est une beauté, et en plus, elle avait pas que des cheveux dans la tête. Voilà, donc Hedy Lamarr, hein, je vais un petit peu conclure sur le sujet, mais je tenais quand même à dire que c'est grâce à elle, peut-être, que vous écoutez Osmose Radio ce soir. Et donc, eh bien, c'est pas avec une Autrichienne qu'on va continuer, mais ce sont aussi, puisque je vous disais qu'Hedy Lamarr avait fait un petit peu de cinéma, ce sont avec des dames qui s'inspiraient du cinéma des années 30-40, etc., mais plutôt dans le style horreur, puisqu'elles avaient choisi le nom de deux stars de l'époque, Bela Lugosi et Boris Karloff, pour choisir le nom de leur groupe. Et en l'occurrence, c'était un groupe des années 80 qui s'appelait Bela Boris, des Finlandaises qui s'investissaient dans le mouvement post-punk et new wave de l'époque. Alors aujourd'hui, leur morceau semble un petit peu daté, mais ça fait toujours plaisir de l'écouter. Donc je vous propose ce soir un titre qui s'appelle Kolme Askelta, ne me demandez pas de traduire tout de suite, Bela Boris. We'll be right back. все забывать. Но руки твои обнимают так смело. Avec le titre Tak Silva. C'était enchaîné juste avant avec un groupe finlandais, celui-là, Bella Boris, et le titre Kelma Askelta, qui était sorti en 1984. Super Bass, c'était un titre sorti 20 ans plus tard sur un album qu'ils avaient appelé Musique pour les filles. Ce groupe New Wave de Biélorussie, de Minsk, qui a la curieuse manie de chanter en russe, mais de nommer ses albums en français. Et donc celui-là, c'était Musique pour les filles, avec ce petit morceau qu'on vient d'écouter, qui conviendra à tout le monde, je crois, mais qui vous aura peut-être aussi fait danser si vous êtes une fille dans votre chambre ce soir à l'écoute d'Osmose Radio. On arrive vers la fin de l'heure du loup ce soir. Et bon, j'ai attendu un petit peu à la fin de l'émission pour vous dire une vérité qui fâche, hein, mais vous serez bien obligés de l'admettre, mesdames. C'est que quoi que vous vous en défendiez souvent, vous avez un petit peu la manie de dire « Oh là là, les mecs, c'est tous des porcs, tous des gros cochons, ils pensent qu'au cul, etc. » Ouais, peut-être. C'est vrai, c'est pas vrai, ça dépend des gars, mais dites-vous bien, mesdames, mesdemoiselles, que vous ne valez pas mieux. Et j'en ai la preuve. J'en ai la preuve, puisque c'est la journée de la femme aujourd'hui, mais c'est la journée de la poésie bientôt. Et ben là, j'ai la preuve sous les yeux que déjà au XVIe siècle, hein, vous étiez des grosses cochonnes vous-même, mesdames. Et j'ai ramené un poème de Louise Labbé qui le prouve s'il en était besoin. Louise Labbé, au XVIe siècle, écrivait « Baise encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus langoureux. Donne-moi un de tes plus savoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Lasse, te plains-tu ? Ce qu'en ce mal j'apaise, en te donnant 10 autres doucereux, ainsi mêlant nos baisers tant heureux. Jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or double vie à chacun en suivra, chacun en soi en son ami vivra. Permets, m'amour, passer quelques folies. Toujours mal vivant discrètement, et ne me puis donner contentement, si hors de moi ne fait quelque saillie. » Voilà, la preuve en est, s'il en était besoin, et je l'ai prouvé ce soir grâce à la littérature française de la grande époque, en l'occurrence du XVIe siècle. Je ne sais pas si elle était considérée comme une poète de la Pléiade, cette Louise Labbé, toujours est-il qu'elle a écrit ce poème dans lequel elle est très honnête, hein, puisqu'elle aime la baise, en l'occurrence, hein, c'était comme ça qu'on appelait les petits bécots à l'époque. Mais vous m'avez compris. Voilà, bon bref les filles, je vous aime, vous êtes formidables, aujourd'hui c'est votre jour, des fois vous faites chier mais c'est pas le moment de vous le dire, mais bon, là c'est la fin de l'émission, je peux me permettre, des fois vous êtes stupides. Et c'est justement le thème du morceau avec lequel on va continuer, Stupide Femme par Vive la Fête. Ah là là les filles, on vous adore, hein, mais des fois qu'est-ce que vous êtes bêtes. Mais bon, je suis prudent quand même, vous l'aurez remarqué, puisque j'ai attendu la fin de l'émission pour vous le dire. Et quant à moi, pour compenser l'émission de ce soir, la semaine prochaine, mardi prochain, dans l'heure du loup sur Osmose Radio, ce sera une émission avec du poil et de la testostérone. Puisque aujourd'hui, hein, c'était la playlist consacrée à la journée de la femme, et bien pour faire bonne mesure, la semaine prochaine, ce sera totalement l'inverse. Je recevrai donc deux poilus qui jouent du stoner, ce sera les deux garçons du groupe The Real McCoy, dont je vous ai déjà parlé une paire de fois, et ils viendront dans l'émission pour nous parler un petit peu de leur dernier album, de leur parcours et nous jouer quelques morceaux en version acoustique. Voilà, tout ça sera la semaine prochaine. Pour le moment, chers amis, eh bien, comme notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé, d'un petit peu différent. Ce soir, ce sera de la chanson française avec une dame dont j'ai envie de vous parler depuis quelques temps. Je vous en avais parlé un tout petit peu, j'y avais fait allusion à l'occasion d'une compilation contre les violences faites aux femmes à laquelle elle avait participé. Je vous en avais passé un extrait au mois de décembre. Tout ça, c'est sur les podcasts d'Osmose Radio sur le site. Et cette dame-là, c'est Catherine Vatine, une fille originaire de Nice et qui, depuis quelques années, s'est taillée une petite réputation largement méritée dans la chanson française avec de très belles mélodies, dont celle qu'on va écouter ce soir, un extrait de l'album Atalaï qu'elle a sorti il y a un petit peu moins d'un an. On se quitte avec ça, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, les garçons aussi, rassurez-vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Quand je ne partirai plus en guerre contre des moulins à vent, quand j'aurai appris à me taire face à leurs actes déments, quand je serai ce vieil enfant, quand je ne pourrai plus refaire le monde. J'armerai mon bras contre ce putain de temps, ce mécréant sans une ride qui jamais, jamais ne comble le vide, cet assassin après qui je cours, ce putain de temps aveugle et sourd.